boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Spécial rock français. Alors on a mal commencé puisque si c'était bien un groupe français, Noir Désir, ils ont commencé une première chanson en anglais, donc on se rattrape tout de suite avec le poète rock Charlie-Lee Couture avec le morceau La Ballade de Serge K. Derrière les toits blancs, le soleil qui descend et change lentement l'ombre de l'hiver. Les vitrines éteintes, la tête dans les épaules, tu marches dans les courants d'air, demain comme hier. Des plaques d'huile, des papiers gras, y a plus que la rue dans la rue, le froid. Tu tires chaque miaule sous une bagnole. Un autre qui guette dans le soupirail. Les poches trouées, les doigts congelés. La neige tombe, il est presque minuit. Des semaines de glisse. Dans un hangar désert, tu vas rentrer là-bas, puis t'allonger dans le froid. Demain, demain comme hier, sur un sommier solitaire. Demain comme hier. Dans Désir, pour commencer notre pop and rock, groupe défunt malheureusement, et on a enchaîné avec Chalet les Coutures, qui aujourd'hui est plus artiste peintre que compositeur, et on face à présent vers le Taxi Gueule de Daniel Darc. Là on pourrait se dire franchement que le rock français est en deuil, mais vous allez le voir tout au fil de cette émission, longue vie au rock français. Thank you. petit peu le rock français, c'est quoi? Allez, dites-moi, y a quoi? Y a Kyo? Enfin, y avait Kyo, parce que ça n'existe plus maintenant. Par contre, y avait les Rita Mitsuko, y avait quoi? Louis Attack, je pense à quoi encore? À Eiffel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Chaka Ponk? Chaka Ponk. Bah, si vous écoutez ça, c'est que vous n'avez pas choisi les bonnes stations de radio. Et je pense que vraiment, dans ce cas-là, revenez avec nous dans Pop and Rock sur RVR pour avoir le rock français. Et nous, quand on pense rock français, on pense notamment à Dominique A avec ce fabuleux morceau Pour la Poupe. Comme tu as su attendre, comme tu lui as parlé, et comme elle résistait, elle voulait se défendre, et c'était presque beau de vous voir. Presque beau, ta patience infinie, c'est non, oui, pas ici. Un jour ça s'est passé, elle voulait dans ta chambre, et tout a bien été. Et tout était très tendre. Mais après, comme toujours, ça t'a rendu tout chose. Elle s'est lavée vite fait. Oh, tu savais bien comme c'est. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Ton sang chauffé d'un coup. Le sang cavalé, te porter n'importe où, te faire un peu tout, sans frein. Là tu es dans un lit, où ton sang t'a mené. Et la fille est jolie. Et après, vous parlez. Et tu dis, j'ai quelqu'un. Tu danses sous d'autres draps. Depuis longtemps déjà. C'est pourquoi tu es là, avec ton sang qui dort, sous tes mains, sous ta peau, ton sang paisible enfin, paisible, lui au moins. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ferais pas pour la peau? Puis ce qui est merveilleux dans le rock français, c'est qu'on est capable de passer de l'élégant du dandy Dominique A au fou furieux de FFF. page Facebook de Pop and Rock. Retrouvez toutes les émissions en podcast. We'll be right back. ben, les petits enfants du rock, vous en pensez quoi, ça? On vient d'enchaîner quand même FFF avec Jean-Louis Murat. Si vous trouvez ça sur une autre radio, foncez, vous me donnez la fréquence, j'irai aussi, moi, l'écouter. Mais enfin, partez pas, puisque je vais vous faire découvrir à nouveau deux groupes français. Le premier s'appelle Citron, le morceau s'appelle Philippe et Carl. Le deuxième, ça s'appellera Télécran. J'ai pris une veste au pressing, la boulangère dans la farine, et puis une douche au vestiaire, recommandée par la postière. Je me suis commis aux galeries, où j'ai appris à dompter la dentelle. J'ai bien sûr avec la caissière, flambé au casino. Faute de savoir se faire discret, fut découvert par la banquière qui vendit la mèche au salon, tout reniflait les plumes et le goudron. J'ai pas douté, comme d'hab. J'ai appâté, comme d'hab. À coup de Dick Fosbury Flop, j'ai dompté la dentelle. J'ai pas douté, comme d'hab. J'ai appâté, comme d'hab. À coup de Dick Fosbury Flop, j'ai dompté la dentelle. En attendant les confiseurs et leurs trêves, j'en ai bavé à tricoter des boxers. J'ai résisté à l'assistante, revu la buraliste au coin. Mais si je finis au surplus, je n'irai tout comme d'hab. Je n'irai tout comme d'hab. Je n'irai tout. J'ai pas douté, hey, comme d'hab. J'ai abattu comme d'hab. À coup de Dick Fosbury Flop, j'ai dompté la dentelle. J'ai pas douté, now, comme d'hab. J'ai abattu, comme d'hab. À coup de Dick Fosbury Flop, j'ai dompté la dentelle. Comme d'hab. Donc le morceau Commodore interprété par Télécran. Télécran qui n'est pas sans me faire penser à un autre petit groupe français beaucoup plus connu celui-ci. Je sais pas si je vous dis Pyjama. Allez, on écoute Dionysos. attaché à ses ailes comme un cerf-volant. Je sens le vent, je serre le volant, suspendu par la brise, par-dessus le pare-brise. Je suis glacé à la montre pour me recoiffer sucré. Je fracasse les flaques, flaques. J'ai mis ma coccinelle, je ne t'abandonnerai. Me fait tout cabosser, ôter l'écran du ciel. S'embrasser les cils comme des pinceaux clignotants. Lacrime à l'acrylique, je sais que j'écris mal, mais j'imagine très bien l'ombre de nos cils flotter tranquillement sous l'arc-en-ciel de nos dents. Comme celle de ce soir, qui est consacrée au groupe rock, j'ai vraiment un grand choix. J'aurais pu vous envoyer du Dolly, qu'on a déjà écouté dans Pop and Rock, du Superbus, que j'aime bien, même si je suis pas toujours fan, du Toy Blow It, qu'on a également déjà entendu dans Pop and Rock. J'aurais pu vous proposer du Isia. Et ben non, finalement, là, je me dis que ce soir, dans le cadre de l'émission 60 spécial rock français, je vais plutôt foncer vers la route à Zalska, avec le morceau Histoire improbable. L'ambiance, comme on réchauffe la planète. Est-ce qu'on peut faire monter l'audience? Comme on fait monter les eaux, comme les marées, j'ai mon noir pour faire chavirer les bateaux. J'aime narrer des histoires bourrées de jeux de mots. Dès la première, je devrais faire l'effet d'un ouragan. Alors tenez-vous bien les côtes, je parle du progrès flagrant qui se dit d'une génération qui en un siècle a laminé ce qu'une planète a mis des millions d'années à faire de vrai germer. J'aime les histoires quand elles se finissent. J'aime les histoires tant qu'elles sont improbables. J'aime à laisser croire que le fond de mes femmes n'est pas illusoire. Car meilleur est le dit-toi, mais ce n'est que fiction qui d'ailleurs aurait foi. On est si coupable d'intention puisqu'on vit dans un monde qui n'est qu'idéal, qui serait assez con pour tuer sa terre natale puisqu'elle lui est vitale. Sauter le choix comme pourrait sauter le monde. Est-ce que le fait de faire la bombe nous fera rire aux éclats? Les résines ne tombent pas du ciel, qu'on rit borde me renvers d'un type spirituel et drôle, mais je vais me refaire. Il était une fois, puis une autre, puis tant à la fois. Le mouton demanda aux apôtres qui dessinent le prince de la voix. Comme chacun prêche le partage, tout le monde vit que son image. Comme chacun prêche la bonté, on ne vit pas du centre de l'air. J'aime les histoires quand elles se finissent mal. J'aime les histoires quand elles sont improbables. J'aime à laisser croire que le fond de mes pas n'est pas illusoire et faire peur à l'auditoire. Mais ce n'est que fiction qui d'ailleurs aurait foi en de telles affabulations.

sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Ces sans-papiers qui vont bientôt repartir vers leur pays, les chiens. On a tout pris, chez eux y'a plus rien. De rétention en cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins. J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan, l'identité à la ronde. Et dans ce flot d'une idée rien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand, dis-moi c'est quand que tu reviens. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Avec tous ces chantiers et tous ces foulitiers, ils visent pas que les lapins. C'est plus du gros LCD. Ou des missiles solaires, ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux. Allez, Paris sera beau. Touche à sa fin, j'espère que vous avez bien apprécié cette heure de rock français. On va se quitter avec le groupe français, celui qui en tout cas m'a ouvert les portes du rock, Téléphone, avec Laisse tomber. Ouais, c'est un mauvais présage peut-être, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.